parle souvent des mamans. On oublie parfois les papas. Venus du fond de l'Italie, de Pescara, de Napoli. Ils étaient bien souvent maçons, devenus des mineurs de fond. Ils mettaient du cœur à l'ouvrage, tout au bout de ce long voyage. On a grandi avec l'amour, y avait jamais de mauvais jours. Les fins de mois étaient fragiles, et c'était parfois difficile. Mais quand on a au fond du cœur des jardins parfumés de fleurs, ils nous apportaient le soleil, un nouveau pays des merveilles. Papa, papa, papa, si tu n'avais pas été là, dis-moi qu'aurais-je fait sans toi. Papa, papa, si tu n'avais pas été là, qu'aurais-je fait de mes 10 doigts, les cheveux noirs devenus blancs, avec la pluie, avec le temps, ils n'ont pas perdu leur accent, et leur main parle encore vraiment. Elle est arrivée enfin là, de ne plus se fatiguer le cœur, de se reposer en famille. Les papas ont les yeux qui brillent. On n'a pas tous la même histoire, non, mais ça y ressemble un peu. Qui n'a pas eu envie un soir de dire papa, je suis heureux. Je suis heureux, je te le dois. Je suis ici, c'est grâce à toi. Je trouve pas les mots pour dire merci à toi et à maman aussi. Papa, papa, papa, si tu n'avais pas été là, dis-moi qu'aurais-je fait sans toi. Papa, papa, si tu n'avais pas été là, qu'aurais-je fait de mes 10 doigts. Toi tu m'as donné la musique, le cœur et l'âme romantique, avec ces instants si magiques, de tes souvenirs nostalgiques. Papa, papa, papa, et si un jour tu n'es plus là, comment vais-je vivre sans toi ?